Unité 4, entraînement au DELF A1, compréhension de l'oral. Exercice 4, situation 0. À quelle heure tu commences les cours? Ça dépend. Le lundi et le mercredi à 9h.